vie ne pleut pas. Copain, réjouis-toi. Tout va bien, mon vieux. Le sol loin se crie et rions tous les deux comme le fait la pluie. Reviens de ces jours-là, le temps ne nous lasse pas. Regarde les fleurs si belles, elles ne se fendent devant toi. Après de ces gamins, ta vie ne passera pas. Réjouis-toi.